Je suis un Ivoirien. Je viens de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ici, un jeune mineur isolé. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu on est où ici? Ici, c'est l'occupation de Nantes. Précisément à Chantier Naval. Dans une maison abandonnée. C'est là-bas en vie. Pour ce moment. Et ça se passe bien? Un peu bien. Mais on a les soucis très, très, très, très compliqués. Parce que la police vient nous expliquer le 31 mars, bah c'est mars, non? En arrivant à la rue encore. Est-ce que vous savez où vous allez aller après? Toujours dans la rue. Toujours dans la rue. Comme d'habitude, à Commerce. C'est là-bas qu'on dort. Et il y en a beaucoup qui dorment là-bas aussi? Ouais, beaucoup, beaucoup. Même si c'est pas. Pardon. Pas moins de 50 personnes, 100 personnes. Ouais, Ah ouais. même ici, il y a beaucoup de gens qui dorment, mais il y a toujours les gens qui dorment à bouffer. C'est pas facile, quoi. Mais on fait toujours ça. Ça va aller, c'est Dieu qui est fort. Et ici, il y a beaucoup de gens qui dorment dans le lieu occupé. Ouais, plus de 200 personnes. Plus de Waouh. 200 personnes. Et puis, il y a beaucoup de familles aussi dedans. Hein. Et c'est pas le seul squat, parce que sachez, il y a aussi un squat des mineurs. Non, c'est pas le seul squat des mineurs. Moi, j'habite à Le Carido, dans le squat des mineurs. On est plus de combien de personnes là-bas, on est nombreux là-bas aussi, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de dire d'autre? C'est vous dire, la France, c'est pas facile, quoi, c'est tout. La France, c'est pas facile. Voilà, les aides, quoi. Pour nous aider, pour aller à l'école, quoi. Moi, je n'ai plus besoin de partir à l'école. Parce que j'étais passé l'âge de là-bas. Mais si je venais en France ici, à l'âge de 11 ans, aujourd'hui, il y a 17 ans, je n'ai jamais arrivé à l'école. C'est pas facile, hein. T'as jamais réussi à aller à l'école? Jamais. Quand il m'a vu chez mineur, on dit non, tu es majeur. Il m'a vu chez majeur, on dit non, tu es mineur. C'est ça, il voit, c'est pas facile, hein. Voisin. Ah, viens, moi, je l'ai parlé à un voisin. Directement à Macron. Monsieur le Président. Oui, c'est ça, Macron. C'est moi, solo. Dis Sangaré Souleymane. J'habite à Nantes. Je te parle directement à toi. Il m'adresse directement à toi, quoi. C'est nous, les enfants de l'Afrique. On est venus te parler aujourd'hui pour te dire que c'est pas. Nous, on n'est pas venus manger kebab. On n'est pas venu manger ketchup. On n'est pas venu regarder la Tour Eiffel. On est venu réaliser nos rêves, quoi. On n'est pas les touristes. Voilà. Les gens qui mettent dans l'eau, mais nous, on n'a plus rentré. C'est pas parce qu'on est fort. Hein. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est la vérité. Parce qu'on n'est pas venu pour s'amuser. On est venu pour s'adresser à le président. Parce qu'il sait que français que je parle, tu ne comprends pas. Mais ce que nous, on a vécu, tu ne peux pas vécu ça. Tu es trop, trop, trop. Tu ne peux même pas vécu ça. Il y a les enfants dans la rue ici, les enfants africains, les mineurs isolés, les mineurs de 16 ans, 15 ans qui dorment dans la rue. Ils n'ont pas de maison. Mais toi, tu dors dans les maisons, les hôtels présidentiels, les maisons 5 étoiles. Mais nous-mêmes, on ne dort pas dans les maisons ici. Eh, monsieur Macron. Ici, nous, on est là, Nantes, ici. Hein, c'est la solidarité. Je ne sais pas si tu comprends mon français, hein, monsieur Macron. Mon français que je parle, c'est lourd. Peut-être si c'est pas lourd, c'est pas ça. Mais je te parle aujourd'hui parce que ici, déçu de ton pays, de la France.